la nouveauté. Le client est également curieux, il recherche du changement dans sa vie. L'homme n'aime pas la routine et recherche avant tout le modernisme. Le client est attiré vers la nouveauté, attiré par l'inconnu. Il faut donc lui présenter le produit comme une nouveauté, qui viendra appuyer l'orgueil, puisqu'avoir une nouveauté n'est pas possible pour tout le monde. Cet élément de nouveauté peut très bien susciter l'achat.